بسم الله الرحمن الرحيم. السورة سريعا ذكر لنا ما هو الأصل الأول. خلاصة الأصل الأول ما هو؟ الخلاصة بين الإخلاص ودينه والحذر من الرياء. أيوه. يعني أيوة الخلاصة الأصل الأول كالله نزا أعطوني des sincères dans l'adoration. Qui ne s'avoue que pour lui. Et il a démontré son contraire qui est le shirk. Non. Et que pour les gens, à cette époque, beaucoup c'est devenu pour l'ikhlas, c'est le fait d'invoquer avec Allah autre que lui. Pour eux, lorsqu'on est pour de vrais mukhlis, c'est comme si on ne rendait pas le rang, le respect dû aux alliés d'après eux. Wada wa ha, c'est le filion. Païen. الآن سندخل في الأصل الثاني تزين فضمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما ورد به السنة من العجب من نسبه السنة من العجب منكم من العجبة بالفتح أنا كذا يعني بالفتح لا خطأ من العجب أصلا هو من عجب العجاب يعني il ne doit pas y avoir de L ni de Fatha. C'est un mudaf, mudaf ilayhi. Khay, inshallah. ثم سار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه والعلم وفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله لزنديق أو مجنون. Il dit, ce deuxième fondement, c'est l'union en religion, le fait de se rassembler, d'être unis. Et l'interdiction de nous diviser. Et de nous séparer. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié cela de façon limpide dans son livre, de telle sorte que même les awam peuvent le comprendre. Il nous a interdit de nous diviser en religion. Comme l'ont fait ça devant nous, et puis ils ont fini par périr à cause de cette division. Et également, ce qui ajoute de la clarté à cette parole-là, ce qui est venu dans la sunna. La sunna également venu avec des preuves d'adillah, parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, démontrant clairement que la division est interdite. Et après, ce qui est surprenant, justement, c'est qu'après cela, c'est la division qui, elle, est devenue justement un fondement de la religion. Elle est devenue la science et le fiqh chez les gens. Le fait d'être divisé. Pour eux, c'est ça la vérité. C'est que l'union n'est appelée que par un zindir ou un fou. Pour eux, les gens, ce qu'ils appellent à l'union, c'est un fou ou un zindir. C'est-à-dire carrément, il y en a, ils le rendent mécréant. Qu'un zindir, c'est un munafiq. هذا لما ما بيكسبيكي مراد كلام المؤلف. قال الشارح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يعني que cet ordre à l'union cela est appuyé par les preuves du kitab de la sunna. C'est ce qu'ont été les sahaba et les salaf salih. À la base, quand on dit salaf, al murad al awwal, c'est les Sahaba en premier lieu. Et après, ça peut s'élargir jusqu'aux trois siècles, premier siècle. Al-Qurun al-Mufaddala al-Thalath, al-Ula. Il cita l'épreuve de cela du Qur'an awalan. Qala ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا جفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Oh vous qui avez cru, craignez Allah pleinement comme il se doit et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Et accrochez-vous au habl d'Allah, c'est-à-dire la religion d'Allah, tous, et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous alors que vous étiez ennemis. Ensuite, il a lié entre vos cœurs, vous êtes devenus par ses bienfaits des frères, alors que vous étiez sur le, aux portes de l'enfer. Et vous en a secouru. C'est comme cela que nous éclaçons, que Allah a éclaci pour vous ces versets, afin que vous soyez guidés. Encore le Ta'ala. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que l'épreuve soit venue. Et ceux-là auront un châtiment, un grand châtiment. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Et ne vous disputez pas, ne vous querellez pas, c'est-à-dire par la division. Sans quoi vous échouerez et votre force partira. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Et ceux qui se sont divisés, qui sont devenus des sectes, des partis, ceux-là, tu n'es en rien avec eux. Tu es innocent d'eux. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Qui vous a légiféré en religion, ce qu'il a révélé à Nuh et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons exhorté à Ibrahim et à Moussa et à Issa, c'est-à-dire appliquer la religion et ne vous divisez pas en religion. Donc ces versets viennent démontrer clairement l'interdiction de se diviser. Et que cela aura des répercussions individuelles ou en groupe. C'est-à-dire l'indivision nuira à la personne en soi, en elle-même, et également à la jama'a, au groupe. Les répercussions sont vastes. Puis cita les adillah, certains adillah de la sunna, de ce fondement. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le muslim ou le muslim, la yazlumu, wa la yakhdhulu, wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna. التقوى ها هنا يشير لصدري بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل مسلم المسلم حرام دامه وعرضه وماله. Il dit que le muslim, le frère du muslim, il n'est pas injuste envers lui, ni ne l'abandonne, ni ne le méprise. Et la taqwa est ici, c'est-à-dire en montrant la poitrine. Et il suffit au muslim comme mal que de mépriser son frère muslim. Et tout le muslim est entièrement sacré sur le muslim. Son sang, son honneur et ses biens. On fait riwaya. La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tajassasu, wa la tahassasu, wa la tanajashu, wa kunu ibadallah ikhwana. Dans une version, il dit: ne vous jalousez pas, ne vous détestez pas, ne vous épiez pas, ne vous espionnez pas, ne faites pas de vente bin najash. Et soyez serviteur d'Allah en toute fraternité. On fait riwaya. La taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallah ikhwana. Dans une version, ne vous séparez pas, c'est-à-dire coupez les liens. Et ne vous tournez pas le dos, c'est-à-dire ne vous détournez pas les uns des autres. Et ne vous détestez pas et ne vous jalousez pas. Et soyez des serviteurs d'Allah en toute fraternité. ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Que le mot croyant est pour le croyant comme un édifice. Ils se renforcent les uns aux autres. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب ألا أدلك على التجارة؟ قال بلى يا رسول الله. قال تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا. Dans un hadith qu'il a dit à Abu Ayyub Al-Ansari, Rahimahullah Ta'ala, ne vais-je pas te montrer un bon négoce? Il dit aussi, message d'Allah. Il dit, efforce-toi de réconcilier entre les gens. Si jamais ils se querellent et rapprochent entre eux, si jamais ils s'éloignent. Naam. Wa hadha yakun bi qadri al-istita'a wa bidun fudul. Cet ordre, tous les hadiths cités précédemment sont venus pour fermer les portes, pour appeler à l'union. Tout ce qui amène à la division et à la rupture des liens de fraternité islamique l'islam est venu pour couper court à cela, directement. Des hadiths, il y en a plein. Ça, c'est à titre d'exemple seulement. Et bien entendu, tout cela sont des bases générales. Maintenant, des fois, il y a des causes qui amènent à ce que tu sois obligé de faire cela. Comme le hajj, avec le fasiq ou le mubtadi', les novateurs. Mais la base, c'est qu'on doit être unis. Et unis sur quoi ? Sur la vérité, bien entendu. L'ijtima' ala al-haq, c'est un short. C'est pas on s'unit comme ça sur le batil. On s'unit sur la vérité et sur la sunna, bien évidemment. Et là, dans ce hadith, comme il dit de, comme il a dit à Abu Ayyub, de s'efforcer à réconcilier entre les gens et de lier entre eux lorsqu'ils s'éloignent, cela, bien évidemment, lorsque c'est les causes de division sont des causes qui sont réconciliables. Après, si tu fais les causes et qu'une personne s'efforce dans le mal ou perdure sur le mal, alors là, tu le délaisses. C'est autre chose. Il ne faut pas non plus que cela amène à tomber dans le foudoul. C'est-à-dire pour lier entre les gens, tu tombes dans ce qui ne te regarde pas. Par exemple, il y a un lien pour l'islam entre les gens. Il faut d'abord que les gens soient d'accord que tu viennes pour faire la conciliation entre eux. C'est pas que tu rentres dans une affaire entre deux personnes en querelle, alors que les gens ne t'ont pas appelé, parce qu'ils ne veulent pas de toi dans cette affaire-là. Tu ne t'immises pas dans une affaire alors qu'on ne t'a pas demandé d'y rentrer, pour aller après enquêter et après vouloir lier entre les gens. Alors, sauf pour les deux personnes, les deux parties, ils ne veulent pas que ce soit toi qui concilie entre eux. Hein? Par exemple, tu as un khilaf avec Abu Mehdi. Et moi, je veux concilier entre vous deux. Et Abu Mehdi, il ne veut pas que j'entre dans l'affaire, toi non plus. Quand je veux rentrer dedans pour concilier entre vous deux. À la base, vous pas, tous les deux, vous n'agréez pas que moi, je sois arbitre entre vous. Donc, comment je vais venir? Je vais me forcer à faire le passage. Je ne peux pas. Ça va amener plus de façades qu'autre chose. Celui qui veut pour concilier, il faut qu'il soit agréé par les gens déjà à la base. C'est pas n'importe qui rentre dans toute affaire, qui questionne, qui enquête. Après, il veut concilier. On dit, ouais, mais arrête-toi à la base. On ne t'a pas demandé à toi de venir. Si on veut, il y a un cher qui est là, ou tel frère, on lui fait confiance, mais toi, on ne veut pas de toi. Parce qu'on sait que toi, par exemple, tu es quelqu'un, tu ne gères pas les situations. Tu as des gens, ah, c'est le foudoul. Le foudoul, c'est que tu rentres dans ce qui ne concerne pas. Vous voyez, mais le foudoul, c'est le fait de rentrer dans ce qui ne concerne pas. Et celui qui veut concilier entre les gens alors que cela ne le regarde pas, il fait plus de mal que de bien. Quand même, il n'y a pas tout le monde qui est apte. Non. Quoi qu'il en soit, là-bas, c'est concilier Bilati et Arsène avec les causes légiférées, bien entendu. Après, elle dit وفي مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتحاب وتألف ومحبة الخير وتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتمنيه في مقابلة ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب التفرق وتفرق المسلمين وتباعدهم وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة فالتفرق وقرة عين الشياطين الجن والإنس لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الإسلام أن يجتمعوا على شيء فهم يريدون أن يتفرقوا لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت القوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفريق كلمات والذهاب الريح. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné aux croyants tout ce qui amène à l'amour et à l'union et l'entraide dans la piété et l'obéissance et de faire les causes qui justement qui renforcent cela. Et à l'inverse, à l'encontre, il a interdit justement tout ce qui amène à la division, tout ce qui amène à la rupture des liens, tout ce qui amène à l'éloignement des musulmans les uns des autres. Pour ce que cela comprend comme animosité et comme corruption. Car justement, cette division, c'est ce qui réjouit Shaitan, les shayatines, parmi les djinns, parmi les hommes. Car les shayatines, parmi les hommes et les djinns, n'aiment pas voir les gens de l'islam unis et qui les voient se réunir sur une seule chose. Eux, ils veulent justement qu'on se divise car ils savent que justement l'union, c'est la force des musulmans. L'union et se tenir sur la droiture, ce qui reproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui donne la force aux musulmans. Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent pour t'affaiblir, te diviser. Et ça, c'est la principale arme des koufars aujourd'hui sur les musulmans, nous diviser. Et la chose qui divise le plus les musulmans, c'est la bid'a également. La bid'a. Ce qui les rapproche, c'est la sunnah. Et ne pas oublier que celui qui est seul sur la sunnah, c'est lui la jama'a. Ne pas dire, ouais, toi, on fait tous une bid'a, toi, t'es pas avec nous, t'as divisé. Celui qui divise, c'est celui qui part vers le batil. Même si les gens du batil sont 100, celui du haq, il est tout seul, ou ils sont 2 ou 3, eux, ils ont uni. Ils sont unis. Les gens du faux, ceux qui ont divisé. Même s'ils sont tous unis sur la bid'a, ceux qui auront divisé. Ne pas se laisser leurrer par le nombre. L'union, c'est pas le nombre. L'union, c'est la vérité. L'union, c'est la vérité. On n'est pas en démocratie. La majorité qui l'emporte. D'accord ? Il n'y a pas ça en religion. Ce qui l'emporte, c'est le haq. Et ce que Allah nous a appris, justement, c'est de nous accrocher à sa religion, c'est-à-dire au haq. Ne pas nous diviser, c'est-à-dire ne pas innover, ne pas commettre de perversion, de causes qui amènent à ce qu'on se divise. Celui qui divise, même s'ils sont plus nombreux, sont eux qui auront divisé. Donc la division, ce qui apporte la faiblesse des musulmans. La division apporte la faiblesse des musulmans. Et justement, les sahaba, c'est là-dessus qu'ils étaient. Même lorsque une divergence arrivait entre eux, cela n'amenait pas à la division et à l'animosité entre eux. Parce qu'ils se détestent. Masalan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de se rendre au Bani Qurayza, c'était une tribu des juifs, pour les combattre. Il leur a dit quoi? Que personne ne fait le Salat al-Asr avant d'arriver là-bas. Après, justement, les Sahaba, entre eux, il y a eu une divergence. Entre ceux qui ont compris la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire allez vite avant de faire le Asr, être là-bas, soyez là-bas avant le Asr. D'autres qui ont compris, non. Nous, on fait le Asr une fois qu'on est là-bas. Mais si on arrive au Maghreb, on fait le Asr au Maghreb. Donc certains ont fait la salat sur le chemin avant d'arriver, d'autres ont fait sur place après l'heure. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yusallienna hadukum minkum al-asr illa fi bani Qurayza. Fanaqul samiana wa ta'ana. Ils ont dit nous obéissons, nous écoutons. Maintenant, le dalil l'a amené à différentes compréhensions. Certains parmi les sahaba, comme on l'a expliqué, l'ont fait à l'heure, le asr. Car c'est ça la base. La salat, tu l'as fait à l'heure. Comme le Ta'ala, inna salat, kanat ala al-mu'minin, kitaban mawquta. C'est-à-dire la salat, en mieux ses conditions, qu'elle soit faite dans son temps. Eux, ils savent cela. Et d'autres, ils ont pris le zahir du hadith directement. Et ils ont dit non. On ne fait pas la salat, on ne connaît pas là-bas. Donc là, il y a eu un khilaf dans la compréhension. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a blâmé personne parmi les deux groupes. Bien que la vérité, les ulama disent que la vérité c'est pour ceux qui ont fait la salat dans son temps. Que le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pour dire en fait aller vite. Un ordre pour dire d'aller vite là-bas. D'être là-bas avant le asr. Car la salat à la base, elle ne sort pas de son temps. À part avec une preuve, comme par exemple le voyageur qui lit entre les deux salats ou le malade. Masalan. Ou celui qui dort, qui se réveille qu'après. Celui qui a oublié. Les hadiths sont venus. Donc les sahaba, ils savaient cela. Donc ça, c'est un khilaf tafahum. Sur lequel il y a un dalil qui n'est pas clair et il est interprétable. Donc dans ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le shir poursuit en disant Amma amal al-salaf al-salih fa inna min usul al-sunnati wal-jama'a fil masail al-khilafiyya. أنما كان الخلاف فيه صادرا عن الاجتهاد وكان بما يسوه في الاجتهاد فإن بعضهم يحضر بعضا بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضا بل يعتقدون أنهم إخوة حتى إن حصل بينهم هذا الخلاف. Il dit par contre parmi justement les fondements des gens de la sunna et de la jama'a dans les masail khilafiyya, dans le khilaf qui émane d'un ijtihad et dans lequel justement dans ce sujet là l'ijtihad est permis, ils ne se divisent pas pour ça, ils restent frères. Non, il n'en résulte pas du mépris ou de l'animosité ou de la rupture ou du hajj ou autre. Toute masse à la dans laquelle l'ijtihad a sa place et que celui qui n'est pas dans ton avis, il n'y a pas à se diviser pour cela. Et ça c'est clair. Par exemple, il cite l'exemple de ceux qui, certains parmi les imams, faisaient la salade derrière des gens pour qui, normalement, eux voyaient que leur salade n'était pas valide. C'est quoi l'exemple? L'ahm el-ibil.

ça peut arriver au kufr. Ça peut arriver à la bida, ça peut arriver au kufr. Ça dépend de ce que tu dément. Donc là, ces choses-là, il n'est pas permis de s'y opposer. Donc là, il cite le hadith. Amal, plus bas. Amal masail allati wujida fi al-khilaf fi hadith sahabati wa kana fiha musar lil-ijtihad fala budda an yakun al-khilaf fiha baqiyan. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرا وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. هو هذا هو الضابط. Donc il dit les sujets sur lesquels l'ijtihad est permis, l'interprétation est permise, c'est-à-dire que ça a toujours existé. Là on ne peut pas te blâmer. Seulement attention, cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs vérités. Al-haq wahid. Al-haq wahid. Cependant ton erreur t'est pardonnée. Car pourquoi ? C'est une erreur ou c'est, on va dire, une compréhension que plein de gens ont eu avant toi. Et il y a une raison qui a amené à ce que cette compréhension apparaisse. Elle n'est pas arrivée comme ça par passion. Elle a une cause. Donc la cause, voyez, Yom al-Qiyama, tu seras excusé. Par contre, ça ne veut pas dire que tu as eu raison. Yom al-Qiyama, tu sauras qu'un tel avait eu la bonne parole et toi non, mais toi, ton erreur t'est pardonnée. Par contre, les sujets où, comme on l'a dit, les preuves sont claires et que tu n'as rien pour les interpréter à part un ijtihad, là où il n'y a pas lieu de faire ijtihad, là, tu prends le péché et là, on peut te blâmer pour cela, même on peut même te battre, on peut même te kaffar. Ça dépend de la masala. On peut te rendre innovateur, on peut te rendre mécréant, ça dépend du sujet. Ça dépend de toi comment tu te comportes. Ton avis, tu commences justement à t'allier, te désavouer pour un avis qui est faux, en plus, ah ben là, tu deviens innovateur. Et après, ça peut aller plus loin que ça. Donc là, il rappelle à la fin que les musulmans doivent être une seule et unique communauté, qu'ils ne doivent pas se diviser, ni se diviser en sectes et en partie en arzeb. Par exemple, c'est un hizbi. Un hizbi, c'est quelqu'un qui a une idée préconçue sur laquelle il s'allie, se désavoue, donc il amène à diviser les gens. Soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Quand même. Donc là, ce n'est pas permis, et la religion a appelé à l'union. Et parmi les choses qui ont mené à beaucoup de divisions, justement, l'histoire des mazahib. À tel point qu'à l'époque, un fut un temps, au Masjid al-Haram à Mecca, tu avais 4 maharib, 4 lieux de salat. Tu avais la salat des Hanabila, à sable de ceux qui suivent le mazhab Hanbali. Tu avais le mahrab des Shafi'iyya, ceux qui suivent le mazhab Shafi'id. Tu avais le mazhab des Hanifiyya, ceux qui suivent Abu Hanifa, et ceux des Malikiyya, ceux qui suivent l'imam Malik. Ou plutôt, le mazhab qu'ils ont attribué l'imam Malik. Car les imams n'ont jamais appelé à cela, eux. Donc les gens sont divisés pour cela. Et jusqu'à aujourd'hui, tu les vois. Divisés. C'est pour ça qu'on appelle sous le dalil. Si l'imam Malik a eu raison, on prend son call. Si l'imam Ahmed a eu raison, on prend son call. L'imam Shafi a eu raison, on prend son call. Abu Hanifa a eu raison, on prend son call. Si jamais il y a eu un ijtihad dans lequel ils peuvent avoir fait ijtihad, leur call est excusé. Si jamais c'est un lieu, une masala sur lequel il n'y a pas d'ijtihad à faire, comme par exemple Abu Hanifa, bon, masalat l'iman, il a dit que les actes ne font pas partie de la foi. Il a été baddar pour ça, on dit innovateur. Parce que dans ce sujet-là, il n'y a pas à diverger. Il n'y a pas à diverger, les preuves pour là sont claires. Ni interprétation, ni rien du tout. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est le fondement qu'on a pris aujourd'hui, qui est le deuxième, qui est l'union en religion. L'union en religion et pas le droit de se diviser. La foumad al-asl, et bien comprendre le sujet de divergence. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين